est-elle passée ? Si toute la physique actuelle s'accorde à dire que le Big Bang a produit autant de matière que d'antimatière, où est donc passée l'antimatière que nous n'observons qu'en quantités infimes dans notre univers ? Il y a deux voies de recherche pour apporter une réponse à cette question, l'étude de l'antimatière cosmologique via les rayons cosmiques de haute énergie et la production d'antimatière dans les accélérateurs de particules. Parce qu'avec la réponse à cette question de la dissymétrie matière-antimatière, viennent peut-être d'autres réponses comme l'existence de l'antigravité et avec elle la promesse d'une nouvelle physique. Antimatière, la petite matière qui monte, c'est le programme inverse qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les dernières recherches en matière, justement, d'antimatière, si vous me permettez, les recherches en matière d'antimatière, bon, c'est pas terrible, mon retour, hein, il faut bien essuyer les plâtres. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet, organisateur de la nuit de l'antimatière, qui a lieu donc ce soir partout en France. Nous attendons dans quelques secondes Étienne Parisot, qui est astrophysicien au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, professeur à l'Université Paris Diderot, qui terminait un cours qui devrait nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour, en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur franceculture.fr ou en podcast via votre application favorite, mais comme toujours en complément sur notre fil Twitter @laméthodefc auquel nous vous enjoignons de vous abonner. Alors pourquoi peut-être pour commencer simplement une nuit de l'antimatière, Raphaël Granier de Cassagnac ? Les nuits de quelque chose, ça fait quelques années qu'on les organise. C'est organisé essentiellement par la Société française de physique, le CNRS et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Ça regroupe une quinzaine de sites en France, dans une quinzaine de villes. On se rend duplex les uns avec les autres. Et l'idée, c'est de partager notre passion de la science en prenant toujours un thème comme ça, un peu d'actualité. La dernière, c'était il y a 2 ans, c'était sur les ondes gravitationnelles qui venaient d'être découvertes. Donc là, on en remet une petite sauce d'antimatière. Et pourquoi l'antimatière ? L'antimatière, c'est un vieux sujet en fait. Ça fait longtemps, on va l'évoquer, que l'antimatière a été découverte et qu'elle existe. On n'en avait pas encore vraiment parlé dans ce cadre-là, donc on s'y attelle cette fois-ci. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors, on a mis les liens justement sur le fil Twitter, mais il y a encore de la place, c'est dans différents endroits, dans différentes villes. Il faut s'inscrire, c'est payant, c'est gratuit. Racontez-nous un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y entendre pendant cette nuit de l'antimatière ? Alors, c'est gratuit. Dans certains sites, il faut effectivement s'inscrire pour pouvoir rentrer. À Paris, c'est au Grand Rex. Ça démarre à 18h30. Les gens, je pense, peuvent arriver avant, à partir de 17h30, 18h. Et il va se passer plusieurs choses. D'abord, il y a une espèce de cours, conférence sur l'antimatière, assez pointu, sans être trop compliqué. Donc justement, Étienne Parisot, qui va nous rejoindre, sera un des 3 orateurs et il nous parlera de l'antimatière sur son aspect plutôt cosmologique. C'est suivi de plusieurs petits films qui montrent des choses sur l'antimatière. On a organisé aussi un concours de nouvelles, de BD, de photos dont les lauréats seront récompensés ce soir. Et il y a aussi un quiz qui va être organisé pour le public, qui vont pouvoir répondre un peu partout en France, tous en même temps, à des questions sur l'antimatière. Donc peut-être je donnerai quelques réponses incidemment dans l'émission. Vous prenez des notes si vous voulez gagner quelque chose, repartir avec des goodies de la nuit de l'antimatière. Exactement. Et on conclura par une table ronde où on parlera de l'antimatière en science-fiction, parce que c'est un des thèmes scientifiques qui a beaucoup inspiré la science-fiction, donc pour laquelle on a invité Marc-Antoine Mathieu, Roland Lehoucq et Laurent Genefort, qui sont auteurs de BD, experts du cinéma et auteurs de romans de science-fiction. Alors justement, on va rentrer dans le dur, on va se poser un certain nombre de questions. On a déjà pas mal parlé de l'antimatière à ce micro, il n'y a pas très longtemps, on va vous remettre le lien aussi. On avait consacré une émission entière à ce qu'on appelle le problème de symétrie CPT, qui est un grand problème de rupture de la symétrie dans l'univers. On va vous mettre le lien, tout ça, de ces émissions sur le fil Twitter de l'émission. Mais pour commencer, le problème de taille donc avec l'antimatière, c'est de comprendre où elle a pu passer. Et si on remonte le fil de l'histoire des sciences, comment finalement a-t-on pu découvrir cette antimatière, puisqu'elle est si rare dans notre univers ? Écoutez la réponse du physicien Roland Omnes dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture. Nous sommes en 1971. L'antimatière, ou plutôt les antiparticules, sont apparues pour la première fois dans les travaux théoriques. Le physicien anglais Paul Dirac avait proposé en 1930 une théorie de l'électron qui était compatible avec la mécanique quantique et la relativité restreinte. Mais il s'est aperçu, en analysant les équations qu'il avait posées, que celles-ci admettaient d'autres solutions que celles décrivant l'électron. Et en les analysant, il a vu que ces solutions permettaient également de décrire des particules qui auraient la même masse que l'électron, qui tourneraient de la même façon sur elles-mêmes, qui auraient le même spin, comme nous disons, et qui auraient une charge électrique opposée. Cette particule, on l'a appelée le positron, parce qu'il arrive parfois qu'on appelle l'électron négatron. Cette idée paraissait farfelue, extraordinaire, jusqu'au jour où, en 1932, Anderson a découvert le positron parmi les produits des rayons cosmiques. Donc, le positron existait. Voilà donc, Raphaël Granier de Gassagnac, l'antimatière, avant toute chose, c'est une solution à une équation. C'est ça, ouais. C'est quelque chose qui arrive souvent en physique des particules, en fait, que la physique des particules, c'est un aller-retour, en fait, entre l'expérience et la théorie. Et il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où des théoriciens ont compris qu'il devait exister un certain type de particules. Pour que les équations marchent, et donc comme Roland Mnès vient de le dire, c'est exactement ça qui s'est passé pour le positron qui est sorti des équations de Dirac. Les autres exemples, c'est le boson de Higgs par exemple qu'on a découvert il y a longtemps, il sortait d'une équation, on avait un besoin impérieux pour que tout ça ça marche, et puis voilà, souvent des dizaines, enfin là, alors pour l'antimatière c'était 2-3 ans après, c'était vraiment quasiment concomitant, et moi j'ai jamais eu la réponse formelle à cette question-là, mais je crois qu'Anderson ignorait les travaux de Dirac quand il a découvert l'anti-électron. Pour le boson de Higgs, il s'est passé plusieurs dizaines d'années. Et c'est vrai pour le quark B, le quark T, le boson Z. On en reparlera un petit peu tout à l'heure du quark B et du quark T, parce qu'ils sont intimement liés avec la question de l'antimatière. Absolument, on va en reparler tout à l'heure. On va petit à petit rentrer justement dans cette physique des particules. Oui, effectivement, Dirac, l'équation de Dirac, c'est 1928, et la découverte d'Anderson, c'est 1932. C'est quoi exactement la découverte d'Anderson, en fait? Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a observé, concrètement? Alors, on regardait les rayons cosmiques, donc il y a des particules qui viennent du cosmos, qui percutent, si on peut dire, la haute atmosphère et qui créent cette interaction crée des gerbes de particules qui arrivent jusqu'à nous. Donc là, en ce moment, au moment où on parle, on est traversé par tout un tas de particules qui sont créées dans les rayons cosmiques. Et donc, il prenait des tas de photos de rayons cosmiques et il voyait des tas d'électrons dans un champ magnétique, donc ils tournaient dans un sens. Et puis, sur une petite fraction des photos, si je me souviens son nom, un moment de l'expérience, c'est une dizaine de photos sur 1600 photos, il voit des électrons qui tournent pas dans le bon sens. Donc, on fait toute une analyse pour être sûr que ce sont des électrons. Et effectivement, ce sont en tout point des électrons, sauf qu'ils tournent pas dans le bon sens. Ce sont des positrons. Et on a donc un sérieux problème avec cette antimatière, c'est-à-dire que les équations de Dirac indiquent qu'à toute particule est associée une antiparticule. On redit bien clairement Raphaël Granier, parce que c'est vrai qu'antimatière, c'est un nom comme ça qui évoque souvent de la science-fiction. Ça n'est pas quelque chose de radicalement différent. La différence entre matière et antimatière, concrètement, c'est juste la charge et le spin. Alors le spin est le même, comme disait Roland Mnès, le spin est le même, la masse est la même, la durée de vie est la même, mais la façon dont les particules se couplent aux interactions, c'est-à-dire en particulier la charge électrique pour la plus simple, sont opposées. C'est-à-dire qu'une antiparticule d'une particule de charge positive sera forcément de charge négative. Et il y a d'autres charges comme ça dans le modèle qu'on appelle standard, donc qui décrit toute la physique des particules. Et donc pour les antiparticules, elles sont toujours opposées. Et pour les particules de charge neutre? Alors, une particule pour laquelle aucune charge ne serait chargée, donc qui serait complètement neutre, et il y en a, son antiparticule, c'est elle-même. Et il y en a. Le photon, par exemple, il n'y a aucune façon de distinguer le photon d'un antiphoton, donc par définition, c'est la même chose. Et il y en a d'autres, le pion, le boson Z, il y en a pas mal. Tandis qu'on accueille Étienne Parizeau qui est en train de s'installer, bienvenue à vous. Donc, le problème majeur, c'est où est passé, si ces équations de Dirac disent juste, où est passée toute cette antimatière originelle qui aurait été créée pendant le Big Bang, et aujourd'hui, l'une des pierres d'achoppement du modèle standard de la physique. Alors oui, il y a effectivement dans le scénario de la cosmologie qui est essentiellement le scénario complètement dominant et complètement accepté par tout le monde aujourd'hui, c'est le Big Bang. L'hypothèse la plus probable, c'est effectivement qu'il y a eu à un moment une immense annihilation de matière et d'antimatière qui devait être créée en proportion plutôt égale, enfin rigoureusement égale à un moment dans le Big Bang. Et à un moment, il y a cette annihilation qui a eu lieu et on parle d'une particule pour un milliard, c'est-à-dire s'il y avait un milliard de particules et un milliard un milliard d'antiparticules et un milliard un de particules. Le milliard, c'est annihilé. Il reste la particule et c'est essentiellement le monde tel qu'on le connaît et dont on est fait. Parce qu'il faut préciser, aussi que le principe de la matière et de l'antimatière, c'est que quand elles se rencontrent, elle s'annihile, ouais, tout à fait. C'est la propriété, la première propriété, si on peut dire, en émettant de l'énergie. Donc, une particule plus une antiparticule, ça fait de l'énergie et une annihilation complète des deux particules initiales. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc d'antimatière tout au long de cette heure à l'occasion de la nuit de l'antimatière qui a lieu ce soir dans toute la France, dans une vingtaine de villes. Hein, je parle sur le contrôle, c'est ça? C'est entre 15 et 20. Entre 15 et 20, oui, c'est ça. Nous en parlons avec Raphaël Granier de Cassagnac et Étienne Parizeau qui vient nous rejoindre, qui est astrophysicien au laboratoire Astroparticules et Cosmologie et professeur à l'université Paris Diderot. Alors, on l'a dit, il y a deux principales méthodes d'étude de l'antimatière en accélérateur de particules et via ces rayons cosmiques de haute énergie. Étienne Parizeau, puisque c'est votre spécialité et que vous venez d'arriver, on va vous mettre à contribution. On va commencer par ces rayons cosmiques. Comment est générée l'antimatière cosmologique, puisque il y en a quand même, il y en a très peu, mais il y en a un petit peu autour de nous, dans le cosmos, même sur Terre, il y a un tout petit peu d'antimatière malgré tout. Bonjour. Bonjour. Reprenez votre souffle, ouais. Prenez un peu d'eau. Je vous remercie. Oui, effectivement, il y a de l'antimatière dans le cosmos malgré tout, pour les mêmes raisons qu'il y en a dans les accélérateurs de particules. C'est-à-dire quand on bombarde la matière avec des particules énergétiques, il y a un excédent d'énergie qui peut donner lieu à une création de paires matière-antimatière, particules-antiparticules. Et donc, effectivement, dans le cosmos, il y a énormément de particules énergétiques qui sont accélérées par des processus plus ou moins compris au sein de notre galaxie, et y compris d'autres galaxies, qu'on appelle les rayons cosmiques. Et ces rayons cosmiques ont suffisamment d'énergie pour créer des paires de particules-antiparticules lorsqu'elles interagissent dans le milieu interstellaire, qui n'est pas totalement vide. La galaxie est presque vide, mais pas tout à fait vide. Et donc, de temps en temps, ces rayons cosmiques, dans leur trajet au sein de la galaxie, créent de l'antimatière et de la matière, évidemment, de façon symétrique. Je pense que ça a dû être expliqué déjà. On l'a expliqué, si. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a une conservation de ce qu'on appelle le nombre baryonique, par exemple, ou du nombre leptonique aussi, qui fait qu'à chaque fois qu'on crée une particule, on crée une antiparticule également. Et donc, il y a de l'antimatière créée par les rayons cosmiques, mais en proportion égale à la matière qui est créée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les niveaux d'énergie nécessaires pour créer des paires particules-antiparticules est très très élevé, c'est très important. C'est oui, alors ça dépend de la particule considérée. En fait, pour créer une paire particules-antiparticule, il faut tout simplement avoir assez d'énergie pour faire apparaître la masse de la particule. Et comme on le sait, E égale MC2, la masse est associée à de l'énergie. Donc, plus la particule est de masse élevée, plus il faudra d'énergie pour pouvoir la matérialiser, la projeter dans notre réalité. Donc, pour des protons, c'est assez élevé. Produire un antiproton nécessite en gros deux fois la masse du proton, puisqu'il faut créer le proton et l'antiproton. Pour des électrons, c'est beaucoup plus facile. Et donc, en fait, il y a, parce que simplement l'électron est à peu près 1000 fois plus léger que le proton. Par conséquent, des créations de paires électrons-anti-électrons, qu'on appelle positons, c'est relativement facile. Et il y en a beaucoup créés, y compris d'ailleurs dans notre atmosphère. Parce qu'il faut bien réaliser que les rayons cosmiques qui se promènent au gré de leur déflexion par les champs magnétiques de la galaxie au sein du milieu interstellaire, de temps en temps rencontrent l'atmosphère terrestre et génèrent également dans l'atmosphère des particules. Et il y a des rayons cosmiques extraordinairement énergétiques, qu'on appelle d'ailleurs des rayons cosmiques d'ultra haute énergie, qui peuvent avoir des énergies y compris macroscopiques, qui peuvent générer dans l'atmosphère ce qu'on appelle des gerbes de particules, qui peuvent contenir des milliards, des centaines de milliards de particules secondaires qui vont comme ça se propager par réaction en chaîne, en quelque sorte, dans l'atmosphère. Et en gros, la moitié de ces particules sont d'antimatière. Et donc, d'antiparticules. Nous arrivent, nous sommes traversés aussi par des particules d'antimatière. Et puis, c'est pas plus dangereux que ça. Ce sont essentiellement des positrons. Alors oui, on dit positon en français, positon, je crois, pardon. Mais les Anglais disent positon, donc effectivement, bon. C'est... Des anti-électrons, alors. Voilà, des anti-électrons, c'est très bien. Ce sera comme si ça, ça mettra tout le monde d'accord. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup d'anti-électrons, de positons, mais il y a aussi des... Alors, il y a aussi des pions qui sont... Alors, il y a avec des anti-pions, d'ailleurs, le Pi0 est sa propre anti-particule, il y a des photons aussi qui sont leurs propres antiparticules, et puis il y a tout un tas de muons, d'antimuons, et puis beaucoup de neutrinos également. Il y a énormément de neutrinos et d'antineutrinos. En fait, tous les processus radioactifs, par ailleurs, parce que là on a parlé des rayons cosmiques, mais il y a aussi des processus radioactifs simplement dans la radioactivité des roches qui, lors du processus de décroissance, émettent, suivant le type de radioactivité, des positons ou des électrons, mais accompagnant l'électron se trouve un antineutrino, ou accompagnant le positon se trouve un neutrino. Et donc, dans tous les cas, ces processus radioactifs font apparaître des antiparticules qui n'ont rien de mystérieux, en réalité, qui font vraiment partie de la matière. Il n'y aurait pas de matière sans antimatière. C'est un seul et même champ qui se manifeste. De même que si vous considérez une vague à la surface de l'eau, vous ne pouvez pas avoir les crêtes sans avoir les creux. C'est un peu la même chose. C'est une seule et même réalité. Il n'y a pas plus de mystère dans l'antimatière que dans la matière. Les pions, je précise que ce sont des maisons, ce sont des particules qui contiennent deux quarks. On va y revenir, absolument, mais c'est important de le repréciser. Oui. Et on va en reparler tout à l'heure, notamment parce qu'il y a des expériences qui ont été faites au CERN sur un certain maison qui montre une rupture de symétrie. Mais ça, il va falloir qu'on avance et qu'on repose 2-3 bases avant d'en arriver à ça. Raphaël Granier de Cassagnac. Oui, moi, ce qui me fascine toujours, c'est le mot antimatière, parce que c'est qu'une question de convention, en fait. On appelle l'antimatière juste parce que nous, on est fait de matière, on est fait de protons, de neutrons, d'électrons, très essentiellement. Donc, par continuité, on appelle l'anti-électron, l'anti-proton et l'anti-neutron l'anti-matière. Mais après, quand on va plus loin, par exemple, tu mentionnais les pions, savoir lequel du pi plus ou du pi moins est l'anti-matière, ça n'a pas de sens, en fait. Ils sont antiparticules l'un de l'autre, mais on ne peut pas définir clairement lequel est de notre côté et lequel est de l'autre côté. Et donc, ce n'est qu'une question de convention, et de proche en proche, on arrive à les classer plutôt en matière, plutôt en antimatière. Mais in fine, il n'y a que particules et antiparticules. Étienne Parizeau, tout de même, ces apparitions, cette génération d'antiparticules, notamment au contact de l'atmosphère, de la haute atmosphère terrestre, comment les détecte-t-on? Qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse justement à cette antimatière cosmologique? Alors, en général, pour les particules qui sont issues de l'interaction des rayons cosmiques avec l'atmosphère, en général, on ne distingue pas la matière et l'antimatière. On regarde juste qu'il y a des particules qui passent. On sait bien qu'il y a la moitié. À chaque fois qu'on crée de la matière, on crée de l'antimatière, peu importe. Donc, notre étude des rayons cosmiques à travers ces gerbes de particules qui se développent dans l'atmosphère ne distingue pas, parce qu'on n'en a absolument pas besoin, la matière et l'antimatière. En revanche, on peut aussi détecter les rayons cosmiques primaires, c'est-à-dire avant leur interaction dans l'atmosphère. Et ça se fait au moyen de satellites qu'on place en orbite, ou de sondes interplanétaires qui emportent aussi avec elles des détecteurs, mais essentiellement en orbite. À ce moment-là, on est capable effectivement de distinguer les particules et les antiparticules, et c'est très intéressant de le faire pour diverses raisons. On le fait simplement parce que l'antiparticule est de charge opposée et donc est déviée dans l'autre sens lorsqu'on met un champ magnétique. Donc, on est capable de mesurer d'une part l'énergie, la masse de la particule, et puis d'autre part le signe de sa charge, et donc on peut assez facilement distinguer ainsi matière et antimatière. Mais toutes ces antiparticules qui sont produites dans la haute atmosphère, elles sont annihilées immédiatement puisqu'elles rentrent en contact, puisque la haute atmosphère, pour le coup, elle est pleine de matière. Donc on imagine qu'on voit quoi, une traînée énergétique, spectre particulier d'annihilation. Alors, c'est pas si simple. Pour s'annihiler, il faut quand même rencontrer la particule. Et alors, certes, l'atmosphère, c'est plein de matière, mais c'est quand même très vide. C'est-à-dire, plus les particules sont énergétiques, plus elles auront du mal à interagir avec la matière ambiante. Souvent, on se représente un peu l'idée que plus une particule est énergétique, plus elle est localisée dans l'espace, plus elle est petite en quelque sorte. Donc, elle va être moins sensible à son environnement. Donc, une particule très énergétique peut parfaitement traverser, même d'antimatière, peut traverser parfaitement traverser la matière sans en fait la rencontrer réellement. Hein, donc il y a des particules d'antimatière qui arrivent au sol, hein, ayant traversé l'atmosphère. Sinon, je ne sais plus quelle était votre question. C'était comment on les détecte dans la haute atmosphère? Ah oui, comment... ailleurs d'ailleurs. Enfin, oui, donc je vous dis, dans l'atmosphère, on ne distingue pas essentiellement la matière et l'antimatière, parce que ce n'est pas quelque chose d'utile. On pourrait sans doute le mettre en œuvre, mais ça ne nous apprendrait pas grand-chose. Comme je vous disais, oui, donc en orbite, là, on le fait au moyen de la déflexion dans un sens ou dans l'autre. Non, et puis une grande partie des particules qui sont produites dans les rayons cosmiques finissent par se désintégrer aussi. Donc par exemple un pion va se désintégrer en muon qui lui-même va finir par se désintégrer en électrons ou en positrons si le muon est de charge positive. Et donc il y a cette chaîne de désintégration jusqu'à ce qu'on arrive sur les particules les plus légères, donc bon, essentiellement l'électron, on va dire, donc le positron dans le cas de l'antimatière, qui lui effectivement va s'annihiler dans la Terre quelque part. Alors quel est justement au niveau cosmologique, là on parle de particules élémentaires, essentiellement d'anti-électrons, éventuellement d'antiprotons. Est-ce qu'au niveau cosmologique, on sait s'il se forme et jusqu'à quel niveau il peut se former des anti-atomes? Étienne Parizeau. Alors ça, c'est une grande question. Y a l'expérience AMS qui avait pour but essentiellement de voir s'il n'y avait pas, au sein du rayonnement cosmique, des anti-atomes. Et qui proviendrait peut-être d'anti-étoiles ou de processus capables effectivement de fabriquer de l'antimatière, pas juste des particules, mais vraiment des atomes. Et on n'en a pas trouvé, ce qui n'est pas très surprenant en réalité. On sait que dans notre galaxie, il n'y a pas essentiellement d'antimatière autre que l'antimatière produite localement, ponctuellement, par l'interaction des particules énergétiques. Mais néanmoins, poser des limites à la présence des anti-atomes est intéressante. Et puis si jamais on en voyait, là, ce serait effectivement important. Alors, quand je dis il n'y a pas d'anti-atomes, il n'y a pas d'anti-noyaux, sauf évidemment les antiprotons, qui sont des anti-noyaux d'hydrogène. Et ça, il y en a, et c'est une découverte d'ailleurs récente, qu'il y a des ceintures, parmi les ceintures dites de Van Allen, là, c'est ces ceintures de radiation qui entourent la Terre, à différents rayons. On a découvert, enfin l'expérience Pamela a découvert des antiprotons, une ceinture d'antiprotons, ça c'est quelque chose d'assez récent. On s'attendait pas spécialement à en voir autant, en tout cas. Et ce sont probablement des antiprotons créés par l'interaction des rayons cosmiques, mais probablement avec l'atmosphère aussi, et qui sont piégés, confinés dans ces champs magnétiques. Et c'est un peu la façon dont on essaye d'ailleurs au CERN de faire des antiatomes. Il s'agit de créer ces antiparticules, mais après de les ralentir, de les confiner de façon à pouvoir faire interagir un antiproton et un antiélectron pour former un atome d'antihydrogène. On va venir aux accélérateurs des particules. Non, parce que la question, c'est que effectivement, finalement, vous m'amenez à une autre question qui est une question toute simple, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous dire que telle étoile lointaine que l'on observe n'est pas finalement une anti-étoile? Oui, alors c'est une question intéressante et c'est pas si simple de répondre, parce que une anti-étoile dans une galaxie ou même dans la nôtre se comporterait strictement de la même façon qu'une étoile, c'est-à-dire elle produirait de l'énergie en faisant la fusion d'anti-atomes d'hydrogène et d'hélium, d'anti-hydrogène et d'anti-hélium, c'est ça. Elle émettrait le même type de rayonnement. Enfin bon, la matière se comporte comme l'antimatière et réciproquement. Donc c'est pas si simple. Ceci dit, effectivement, si une anti-étoile existait dans notre galaxie, en rencontrant, en interagissant simplement avec le milieu interstellaire, a fortiori en rencontrant une anti-étoile, là, ça libérerait des quantités d'énergie colossales. Et donc, on peut simplement, en regardant le rayonnement du cosmos, mettre des limites à la présence d'antimatière, autre, donc, comme je disais, que quelques particules énergétiques. Et il semble bien, en effet, qu'il n'y ait pas de galaxie d'antimatière, il n'y a pas d'anti-étoile au sein des galaxies, il n'y a pas d'anti-galaxie. En tout cas, pas sur des échelles de l'ordre des super amas de galaxies et même du gigaparsec, et probablement pas dans l'univers entier en réalité. Parce que les quantités posent problème. Bien sûr, on va revenir sur cette dissymétrie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire que des antigalaxies, c'est-à-dire qui seraient effectivement du coup dans un milieu intergalactique plus isolé, donc moins en contact avec de l'antimatière, ça créerait des quantités d'énergie telles qui sont des choses qu'on ne peut pas observer ou qu'on n'a pas observé en tout cas. Voilà, c'est ça. Voilà, dont on a observé qu'on les les observait pas. Et donc, on voit pas de frontière, en fait. On voit pas de frontière entre un univers matière-antimatière et une galaxie d'antimatière. Alors, il y a des gens qui essayent de travailler sur l'idée que peut-être, ça c'est une question ouverte qui est un peu étrange et il faut faire attention, mais que peut-être l'antimatière pourrait antigraviter et quelque part repousser la matière et se trouver dans des îlots d'antimatière qui n'auraient pas finalement de contact, sauf vraiment au bord, avec des îlots de matière. C'est une question délicate. Il y a aussi des expériences qui sont menées actuellement pour voir si l'antimatière antigravite et en quel sens, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ça aussi, on va y venir. D'accord. Mais pour conclure sur cette question, effectivement, de l'absence, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, de l'antimatière dans l'univers tel que nous l'observons, aujourd'hui, on a une cartographie de l'univers telle et une telle isotropie de l'univers qu'on peut constater depuis les images du fond diffus cosmologique jusqu'à ce qu'on observe aujourd'hui concrètement via tous les télescopes, que manifestement, s'il y avait des fronts matière-antimatière, il y en aurait forcément et donc on les observerait. Et ça briserait cette isotropie, en gros. Oui, oui, absolument. Et par ailleurs, il y a des signatures, justement, dans le fond diffus cosmologique qui datent d'une époque antérieure où, s'il y avait de l'antimatière, ça se verrait aussi. Enfin, voilà. Donc, on pense pas en réalité que ce soit le cas, vraiment pas. Et pour conclure et pour sur ces anti-atomes, donc on sait que les anti-atomes ne sont vraisemblablement pas produits par des anti-étoiles ou par des structures en tout cas plus importantes. Est-ce que ces anti-atomes ne peuvent pas être créés naturellement via justement la captation d'un anti-électron par un anti-proton dans des rayons cosmiques? On n'a jamais observé ça à part éventuellement des quelques anti-atomes d'anti-hydrogène. C'est le maximum qu'on ait trouvé observationnellement. Oui, en fait, je ne crois pas qu'on ait vu même d'anti-atomes d'anti-hydrogène, c'est-à-dire l'antiproton associé à l'antiélectron, bien que il y a des antiélectrons et il y a des antiprotons dans le milieu interstellaire, mais pour qu'ils puissent former cet appareillement, il faut qu'ils ralentissent suffisamment pour qu'ils puissent se capturer. Alors, probablement, ça arrive. Hein. Il y a, par exemple, ça c'est intéressant quand même, il y a du positronium. Nous savons que nous fabriquons du positronium. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le positronium, c'est un, on peut l'appeler atome exotique, c'est un électron en orbite, enfin associé avec un anti-électron, ou l'inverse d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont de même masse, donc chacun tourne autour de son propre centre de gravité, encore que c'est une vision classique et non quantique, mais disons, ce serait un atome d'hydrogène où le proton est remplacé par un anti-électron, donc de charge positive également, et de même charge. Donc ça fonctionne, et donc lorsque des anti-électrons et des électrons créés dans le milieu interstellaire par création de paires parviennent à ralentir suffisamment, ils peuvent se capturer, former cet atome exotique qu'on appelle donc positronium, et la désintégration de la matière plus ou moins, enfin de l'électron et du positon, lorsqu'il est sous forme positronium, a une signature différente de l'annihilation lorsque simplement un électron et un positon s'annihilent, voilà, de façon directe. Ça a une signature différente parce que cela peut s'annihiler non pas avec deux photons, mais avec trois photons. En tout cas, il y a une composante d'annihilation à trois photons, ce qui fait que les photons gamma émis ont une queue, en quelque sorte. Ce ne sont pas que la raie dite à 511 keV correspondant à la masse de l'électron. Kiloélectronvolt. Voilà, exactement. Kiloélectronvolt, merci. La présence du troisième photon fait que certains de ces photons ont moins d'énergie que s'ils étaient que deux, en fait. Hein. Ils se partagent l'énergie à trois au lieu de deux. Et donc, il y a une signature particulière de la raie d'annihilation qu'on peut observer, donc on sait que ces choses existent. Et on va redire que la raie d'annihilation à 511 kV, c'est une particularité qui est la raie unique d'émission énergétique de l'annihilation d'une particule et d'une antiparticule. Ça produit toujours la même énergie. Absolument, parce que c'est simplement l'énergie de la masse des particules. Les électrons ont une masse, E égale MC2. Lorsqu'ils se transforment en photons, il n'y a plus de masse. Et par conséquent, l'énergie doit bien se retrouver quelque part. Elle se trouve précisément dans l'énergie des photons. Et c'est intéressant de savoir, par exemple, vous qui pensez que l'antimatière est très très exotique, que c'est grâce à cette raie d'annihilation qu'on fait notamment des PET scans dans les... Absolument. Voilà, des scanners à positron emission... Oui, j'ai perdu le positron émission tomographie exactement tomographie émission de positron, voilà. C'est grâce à cette raie là qu'on peut faire des PET scans à l'hôpital, donc vous voyez l'antimatière, il y en a vraiment partout. Radioactivity, non pas par Kraftwerk, mais la reprise par Damien Jurado à 16h32 sur France Culture. Nous parlons en partie de radioactivité, parce que c'est l'une des conséquences d'une certaine forme de radioactivité. Nous parlons de l'antimatière surtout tout au long de cette heure, puisque c'est ce soir la nuit de l'antimatière partout en France. On vous a mis les liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez encore vous inscrire pour y participer. Ça commence à 18h30 jusqu'à 22h30, et puis ça durera peut-être à quelques endroits encore plus tard, jusqu'au bout de la nuit, qui sait. Nous en parlons avec Étienne Parizeau, qui est astrophysicien au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, professeur à l'université Paris Diderot, et avec Raphaël Granier de Cassagnac, qui est chercheur CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet. Alors, nous avons parlé de l'antimatière au niveau cosmologique. Nous allons maintenant parler de l'antimatière dans les accélérateurs de particules, et avec cette question qui taraude depuis longtemps les physiciens: comment se comporte l'antimatière vis-à-vis de la gravitation? Va-t-on découvrir une antigravité? Est-ce que l'antimatière créée sur Terre va remonter? Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au CEA, au laboratoire de l'IRFU, qui travaille sur l'expérience GEBAR, sur cette potentielle antigravité. Alors, est-ce que l'antimatière remonte? Alors, en tout cas, la gravitation répulsive liée à l'antimatière est une hypothèse ancienne, mais qui n'a jamais donné de résultats expérimentaux jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre que tester le comportement de l'antimatière dans un champ de gravité présente beaucoup de contraintes. Il faut déjà être capable de produire une source d'antimatière, des positrons ou de l'antihydrogène en l'occurrence. Il faut pouvoir la ralentir, c'est-à-dire la refroidir à moins d'un mètre par seconde. Et enfin, il faut réussir à la piéger pour voir comment elle se comporte en chute libre. J'ai rencontré Yves Sacquin, qui a longtemps travaillé au CERN et qui aujourd'hui dirige au CEA à l'IRFU, un projet à l'origine de la source de positrons de l'expérience GEBAR. Alors, l'expérience GEBAR, elle a pour but de mesurer quel est l'effet de la gravitation sur de l'antimatière. C'est une mesure expérimentale qui n'a jamais été faite. Quand on a lancé l'expérience, l'idée c'était de pouvoir refroidir suffisamment loin l'antihydrogène pour le voir tomber. Il faut savoir que les particules qu'on crée, quand on crée de l'antihydrogène, il est dans des pièges et il se déplace à quelques kilomètres secondes. Donc il faut mesurer sur des très grandes distances. Et pour GEBAR, on est allé au plus qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire de ralentir quasiment au repos. C'est pour ça que GEBAR s'appelle comme ça, Gravitational Behavior of Antihydrogen at Rest, au repos. Alors, au repos, c'est de l'ordre de 50 cm par seconde. Mais pour des particules, c'est extraordinairement froid. C'est des températures de l'ordre de quelques micro-Kelvin, micro-millionième de Kelvin. Donc pour faire cet antihydrogène au très froid, comme il n'existe pas de technique pour refroidir un atome neutre, l'idée, ça a été de créer un atome d'antihydrogène et de l'ioniser, c'est-à-dire lui donner un positon supplémentaire. Donc c'est l'équivalent de l'ion H- pour la matière, où c'est un proton et deux électrons. Et là, on va créer un antiproton et deux positons. Et donc l'idée de base, ça a été de dire, si on arrive à avoir beaucoup de positons, on devrait être capable de créer l'ion H+. Et donc c'est ici qu'on a lancé le projet, donc en 2005-2006, de faire une petite installation de production de positons de haute intensité, qu'on appelait SOFIE, source de positons de haute intensité. Et on va rentrer dans la zone. On rentre dans la zone. Donc c'est mieux que... Donc vous voyez, on arrive ici juste devant le bout de la ligne de faisceau. Vous savez qu'elle est dimension... assez réduite, on s'attendrait à avoir des mètres et des mètres. En fait, là, on a une ligne de faisceau, c'est un gros tube métallique entouré de bobinage en cuivre. Donc la ligne fait à peu près 15 mètres de long puisqu'elle démarre à l'intérieur. Et à l'arrivée, on a en fait un embranchement. Donc suivant la position de l'aimant de contrôle, on peut envoyer les positons d'un côté ou de l'autre. Et donc dans ces sections, on voit des vannes parce qu'il y a un vide très poussé. Il y a des pompes à vide dessous. Et donc on va pouvoir visiter ici dans la salle de contrôle. Alors c'est là qu'on contrôle l'accélérateur, qu'on le lance. Et là, on a d'autres programmes pour observer les positons qui arrivent, le flux. Donc là, justement, cet accélérateur, on va aller le voir. Là, on entre vraiment dans le bunker. Alors là, on entre dans le bunker. Bon, là, il reste ouvert parce qu'actuellement, tout est arrêté. Donc, on voit en bas, donc dans cette cage, on voit un gros tube noir qui contient ce qu'on appelle les cavités radiofréquences. C'est-à-dire, c'est des petites cavités en cuivre dans lesquelles les électrons sont accélérés par une onde de radiofréquence qui est amenée par ce qu'on appelle un guide d'onde qui vient d'en haut. Et en haut, il y a un magnétron qui permet d'envoyer la puissance pour accélérer des électrons. Et tout ça est relié aux lignes qu'on a vues tout à l'heure. Alors tout ça est relié à la salle de contrôle qu'on voit là-bas. Donc ces grosses bobines ici et ce gros tube. Dans le gros tube arrivent les électrons. Entre les deux grosses bobines, à l'intérieur du tube, il y a ce qu'on appelle la cible pour les électrons. Donc c'est une plaque de tungstène, donc un métal très très lourd. Et donc les électrons interagissent tous dans cette plaque de tungstène et forment beaucoup de paires positons-électrons et beaucoup de rayonnement gamma. On a une dose de rayonnement gamma assez élevée ici quand ça tourne. Un ordre de grandeur C'est 3 grès par heure. Donc à l'intérieur du gros tube, on produit des positons, lesquels sont modérés, c'est-à-dire qu'ils se réinteragissent avec des petites grilles de tungstène, pour être tous éjectés à quelques électronvolts. C'est-à-dire qu'on a un accélérateur qui fait 5 MeV, 5 millions d'électronvolts. Ces électrons interagissent dans la plaque de tungstène. Les bobinages sont courbés et les positons suivent cette courbure. Ça passe au-dessus, puis ensuite ça repart dans l'autre sens. Ça rejoint de l'autre côté. Et donc on a une douzaine de mètres jusqu'à la sortie, 15 mètres au total. Finalement, avec cette expérience-là et celle du CERN, on espère observer un comportement un peu différent de ces anti-hydrogènes dans des champs de gravité, en chute libre. Oui, on va mesurer la chute libre dans le champ gravitationnel terrestre, ça c'est clair. Alors, on espère toujours que le résultat ne sera pas tout à fait conforme à ce que prédit le modèle standard, un petit peu cosmologique, etc., et en particulier la relativité générale, avec le principe d'équivalence d'Einstein, ce qui dit que la trajectoire d'un corps dans un champ gravitationnel, cette trajectoire est indépendante de la nature de ce corps. S'il y a une toute petite différence, ça va être beaucoup plus long. Mais même quelques pourcents, ça serait extraordinairement intéressant parce qu'on aurait des indices pour une extension de la relativité, une extension du modèle standard de la gravitation. Dans la mesure où un proton et un antiproton ont la même masse, pourquoi on espère trouver des différences de comportement dans un même champ de gravitation ? Complémentaires dans le sens où leurs charges sont opposées. C'est ça. C'est-à-dire que la matière et antimatière sont complémentaires, exactement, vous avez dit le mot. Mais les antiprotons ont la même masse inertielle. Par contre, la masse gravitationnelle, il reste un doute. On n'a pas la preuve que la masse gravitationnelle soit effectivement la même. A priori, si Einstein a raison, enfin si la relativité générale a raison, il n'y a aucun problème, ça sera exactement pareil. Mais comme ça n'a jamais été vérifié, il faut qu'on le fasse. Et effectivement, c'est un enjeu extrêmement puissant au point de vue cosmologique, parce que tout le monde, les trois expériences qui se sont lancées là-dedans, espèrent un petit peu qu'il y aurait une petite différence. Mais on sait qu'un résultat différent de la relativité serait quelque chose d'extraordinairement intéressant. Voilà cette expérience GEBAR au CEA sur l'antimatière et l'antigravité. Vous, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Raphaël Granit-Cassagnac? Les propriétés de l'antimatière, elles sont étudiées essentiellement depuis 1930, la découverte du positron dans les accélérateurs de particules. On a vérifié énormément de choses, en particulier Yves Sacquin en parlait un petit peu, l'égalité des masses inertielles, c'est-à-dire qu'il y a certains systèmes particules-antiparticules dans lesquels on a vérifié que la masse inertielle, c'est-à-dire celle qui nous aide à nous propager et qui fait qu'on fait mal, par exemple quand on rentre dans quelqu'un plus ou moins, selon qu'on est plus ou moins lourd, cette masse-là, on sait qu'elle est vraiment la même entre, en tout cas, certaines particules et leurs antiparticules. Mais paradoxalement, on n'a jamais vérifié concrètement que la masse gravitationnelle, donc celle qui fait tomber dans le puits de potentiel de la gravité, donc qui nous fait tenir sur Terre, est la même. Et la raison, elle est toute simple, c'est que les effets gravitationnels sont très faibles sur les particules élémentaires. Et donc, dès qu'on produit une particule, une antiparticule, elles interagissent d'autres manières. Donc, c'est très difficile de voir les effets gravitationnels sur ces choses-là. Pour le faire, il faut créer des antiatomes qui sont neutres, donc qui sont plus sensibles à l'interaction électromagnétique, et donc espérer les voir tomber, ou, alors ça, ce serait le scoop ultime, remonter dans le champ de gravitation. Étienne Parizeau. Oui, j'ai pas de réaction particulière. Je suis évidemment intéressé par le résultat de ces expériences. Personnellement, j'ai du mal à concevoir que l'antimatière puisse antigravité, mais il faut reconnaître, et c'est peut-être la seule chose que je peux dire là, c'est qu'il faut reconnaître qu'on ne comprend pas évidemment la force de gravitation parce qu'on ne comprend pas l'espace et le temps. Effectivement, la façon dont on comprend aujourd'hui l'espace et le temps à travers la relativité générale fait que en principe, il ne devrait pas y avoir de différence. Ça a été dit dans le reportage. Néanmoins, on sait aussi que la relativité générale n'est peut-être pas le dernier mot de notre conception de l'espace et du temps. En fait, nous savons que ce n'est pas le cas. Et la physique quantique ne dit rien sur l'espace et le temps. Elle suppose un espace-temps préexistant. Mais on sait bien qu'un jour ou l'autre, il va falloir trouver une théorie plus profonde qui permette de comprendre d'où viennent cet espace et ce temps en tant que phénomène émergent, en tant que réalité émergente à partir d'une réalité plus profonde. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas compris vraiment ce qu'est l'espace et le temps, tout est possible. Et comme c'est un enjeu majeur pour la physique, effectivement, faire des expériences pour essayer de sonder dans ces derniers recoins, d'essayer de recueillir le maximum d'informations sur l'espace et le temps qu'on le peut, c'est effectivement quelque chose à faire. Donc, je suis très intéressé par le résultat. Je pense qu'on sera tous les deux très surpris si les... Tout le monde le sera. Normalement, ouais. On devrait obtenir des résultats, les résultats de ces expériences aux alentours de 2021. Donc, évidemment, on suivra ça avec intérêt. Peut-être, Raphaël Granier-de-Cassagnac, justement, du côté maintenant un peu des accélérateurs de particules, aujourd'hui, on sait produire facilement de l'antimatière, facilement. C'est beaucoup dire. C'est très complexe, mais on sait produire de l'antimatière de manière courante, en tout cas. Oui, alors il y a une partie de la production qui est exactement comme dans les rayons cosmiques, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que créer des paires particules-antiparticules, ça on le fait absolument tout le temps, c'est notre quotidien absolu. Maintenant, il y a deux champs d'expérience. Il y a étudier les symétries entre la matière et l'antimatière, les particules, les antiparticules, donc ça c'est assez simple. Et il y a l'autre champ qui est d'étudier les antiatomes, et alors là c'est beaucoup plus compliqué, c'est les expériences comme l'expérience Gebhardt et d'autres, Alpha. Il faut savoir que les premiers antiatomes, ils ont été créés en 95, je crois, et qu'il n'y en avait que 9, quoi. Les premières personnes qui ont réussi à créer des antiatomes, c'était il y a donc quelques années maintenant. Mais c'était de l'antihydrogène. C'était de l'antihydrogène, mais je pense qu'on n'a jamais créé autre chose que de l'antihydrogène pour l'instant en tant qu'antiatome. Il me semble qu'on a réussi à faire de l'anti-hélium 4, mais il faut vérifier ça. C'est possible, il faut qu'on vérifie. Justement, comment est-ce qu'on fait dans un accélérateur de particules pour créer, alors, donc les paires électrons-anti-électrons, on comprend que ça va assez facilement et que c'est assez rapide, mais un antiproton. Un proton, on rappelle que c'est une particule composée de trois quarks. Ouais. Comment est-ce qu'on crée un antiproton dans un accélérateur de particules, Raphaël Granier-de-Cassagnac? Il suffit de mettre suffisamment d'énergie, c'est toujours pareil, c'est E égale MC2, et comme on disait tout à l'heure, quand on crée un antiproton, il faut forcément créer le proton qui va avec. Donc il suffit de mettre suffisamment d'énergie pour réussir à créer les deux, puis après sélectionner celui qui nous intéresse, se débarrasser du proton, et puis garder l'antiproton, et puis l'amener où on veut. L'amener dans un champ d'antiélectrons. Alors voilà, si on veut créer un antiatome, il faut le ralentir, c'est d'ailleurs assez curieux. Au CERN, il y a un décélérateur de particules qui sert à ça, à arrêter les particules pour les immobiliser ou presque, pour qu'elles rencontrent leur partenaire pour fabriquer des antiatomes. Ce qui a amené à l'expérience Alpha, qui a réussi... c'est l'expérience Alpha qui a réussi à piéger des atomes d'antihydrogène pendant plus de 16 minutes en 2011. Ouais, même plus, je crois. Maintenant, ils arrivent à les garder un temps assez long. 16 minutes, c'est énorme pour des particules. Je crois même qu'ils en ont gardé plusieurs mois, si je me souviens bien. Alors, je suis pas sûr que ce soit Alpha, mais une de ces expériences qui sont à l'AD. On réussit à garder des antiatomes pendant un temps quasiment indéfini jusqu'à ce qu'ils éteignent la machine, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que Alpha a réussi notamment à révéler la structure spectrale de l'atome d'antihydrogène. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre et d'étudier justement cette structure spectrale? On imagine qu'elle devrait être la même ou pas? Alors, c'est la question qui est derrière ça, c'est toujours la même, c'est-à-dire de bien vérifier que l'antimatière a le même comportement que la matière, et donc les interactions électromagnétiques entre un antiproton et un positron, ça n'avait pas encore été vraiment bien vérifié, donc c'est exactement ça. C'est vérifier comment un antiproton et un antiélectron se combinent, la structure quantique de cet échafaudage-là. A priori, on n'avait jamais vérifié si c'était identique à l'équivalent pour un atome. Et Alpha, il crée une centaine d'antiatomes toutes les 10 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ils ont une quantité d'antiatomes suffisamment grande pour pouvoir faire des tests de plus en plus fins sur cette physique-là. Alors ce qui est intéressant, et donc la question qui est aujourd'hui l'une des grandes énigmes de la structure de l'univers tel qu'on le connaît, c'est cette dissymétrie entre la matière et l'antimatière. On en a parlé, je vous le dis, il n'y a pas si longtemps que ça, cette question de ce qu'on appelle la symétrie CPT. On ne va pas revenir là-dessus complètement puisqu'on y avait passé une heure entière. Il y a même un nouveau schéma de développement, une théorie selon laquelle le Big Bang aurait produit finalement deux univers, dont un qui remonte le temps T et qui serait un univers d'anti, qui serait justement un anti-univers, un univers d'antimatière. Mais en fait, finalement, ces ruptures de symétrie, au niveau des particules élémentaires, au niveau des toutes petites particules, on sait qu'il y a un certain nombre de particules qui sont un peu dissymétriques déjà, Raphaël Grenier de Cassagnac, ça c'est connu depuis longtemps. Depuis 64, oui. Il y a deux choses. Il y a d'abord une dissymétrie très violente entre les particules et les antiparticules, qu'on appelle la symétrie C, qui elle est complètement C et P, qui sont séparément complètement brisées, c'est-à-dire que les antiparticules ont le comportement rigoureusement inverse des particules selon cette symétrie-là. Mais une fois qu'on admet ça, une fois qu'on comprend ça, les particules, les antiparticules redeviennent symétriques. On comprend que quand on fait cette symétrie, il faut faire l'autre. Enfin bref, ça reste complètement symétrique. Donc ça, c'est plus ancien. Mais en 1964, on comprend que le produit de ces deux symétries, ce qu'on appelle la symétrie CP, c'est charge et parité. Charge, vous changez toutes les charges, parité, vous inversez le. Dans un miroir. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Et donc en 64, on comprend que les particules, les antiparticules qui paraissaient très symétriques ont en fait une toute petite asymétrie. C'est de l'ordre de, enfin il y a un paramètre qui vaut 2 pour 1000 en gros. Donc c'est une toute petite asymétrie. Et ça a été découvert dans l'oscillation de ce qu'on appelle les K-ons. C'est-à-dire les K-ons, c'est des maisons qui sont fabriquées avec un quark étrange et un quark léger. On va rappeler qu'il y a 6 saveurs de quark. Ouais. Top down, strange, charm, up et down. Et d'ailleurs, le bottom et top. Bottom et top, c'est oui. Je ne sais plus dans quel sens on l'a dit. Oui, mais bon, bref. On va le refaire. Et donc, on comprend qu'il y a une très légère asymétrie entre la probabilité qu'un K0 devienne un K0 bar, donc son antiparticule, et c'est très légèrement différent de la probabilité inverse qu'un K0 bar devienne un K0. Donc, tout premier aperçu d'une asymétrie entre la matière et l'antimatière. Et alors pour la petite histoire, puisqu'on parlait des quarks, c'est à l'époque on connaissait que le quark étrange et les deux premiers quarks, et on parlait même pas encore de quarks en fait en vrai. Et il y a deux physiciens japonais, Kobayashi et Maskawa, qui très peu de temps après l'apparition de la symétrie CP disent, eh ben nous on est capable d'expliquer cette asymétrie s'il existe en fait trois paires de quarks. Donc dès 1967 je crois, trois années avant, bien avant qu'on découvre le quark B et le quark T, le quark bottom et le quark top, ils disent déjà s'il y a cette asymétrie matière-antimatière, il existe sans doute un quark B et un quark T, et puis même un quark charm qu'on n'avait pas vu à l'époque. Donc il y a une relation très intime en fait entre l'asymétrie matière-antimatière et le mélange des quarks, le nombre de quarks et la façon dont ils se couplent entre eux. Et cet aspect-là, il a été vérifié très très précisément. Ce qui leur a valu un prix Nobel par ailleurs. Oui, ils ont le prix Nobel. J'ai pris ça dans mes notes, mais je les ai plus sous les yeux. Mais il y a deux trois ans. Oui. Et donc il y a un lien très très intime entre ces deux concepts, mélange des quarks et symétrie particule-antiparticule. Et alors ça devient super intéressant parce qu'à partir du moment où on a cette asymétrie matière-antimatière, on peut l'utiliser dans le scénario du Big Bang pour essayer de créer la symétrie qu'on observe entre la matière et l'antimatière dans le monde d'aujourd'hui. Manque de bol. L'asymétrie, donc L apostrophe. Oui, pardon, c'est compliqué. La dissymétrie dont on parlait tout à l'heure, le 1 pour 1 milliard du Big Bang, on peut essayer de le recréer à partir du 2 pour 1000 dont je parlais tout à l'heure. Manque de bol, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que la petite asymétrie entre matière et antimatière qu'on a observée dans les accélérateurs de particules ne permet pas d'expliquer la grande asymétrie, dissymétrie qu'on observe dans l'univers. Pourquoi ? Donc ça, parce que c'est trop petit. C'est-à-dire qu'on a le scénario du Big Bang, on sait à peu près comment ça s'est passé, et cette asymétrie, cette dissymétrie, elle est trop petite pour générer autant de différences. Étienne Parizeau. Oui, effectivement, elle est trop petite, je crois, d'un facteur 1000 milliards. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment, on est loin du compte. Néanmoins, c'est intéressant d'avoir noté cette asymétrie parce que ça soulève d'autres questions, mais ça ouvre la porte à une possible résolution du problème. Une chose qu'il faut dire, c'est que cette asymétrie, cette violation de la symétrie CP dont vous avez parlé, intervient via l'interaction faible, en réalité. Pour autant qu'on sache, l'interaction électromagnétique et les interactions fortes satisfont cette symétrie. Et donc, c'est via cette interaction faible que se produit cette asymétrie. Mais pour créer une asymétrie... Pardon, je finis ce que je voulais dire. En réalité, la question maintenant, c'est puisque soit la symétrie CP est une symétrie de la nature, Et donc, voilà, elle ne peut pas être violée. Mais à partir du moment où elle est violée pour les interactions faibles, la question maintenant, c'est pourquoi les autres satisfont cette symétrie? Et est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, quand vous parliez tout à l'heure du spectre de du spectre d'émission de l'antihydrogène, qui est régi par les lois de l'électromagnétisme, là, pour le coup, vérifier qu'il est bien identique au spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, c'est aussi vérifier qu'effectivement l'interaction électromagnétique est conforme à ce qu'on décrit. Alors, je reviens donc à cette asymétrie au moment du Big Bang. C'est Sakharov qui a indiqué trois conditions essentiellement pour créer ce qu'on appelle la baryogenèse, c'est-à-dire une dissymétrie justement sur les baryons, c'est-à-dire en gros les protons, les neutrons, enfin la matière ordinaire. La matière, oui. Voilà. Pour pouvoir créer cette asymétrie, il faut donc trois conditions. La première, c'est qu'il faut des interactions qui ne respectent pas la conservation du nombre baryonique. C'est-à-dire, c'est évident, si toutes les interactions conservent le nombre de baryons, on ne peut pas créer d'asymétrie. Ensuite, il faut une asymétrie, il faut une violation de cette symétrie CP. Et enfin, parce que ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on sorte de l'équilibre thermodynamique. Parce que... C'est-à-dire ? Alors, en fait, à l'équilibre thermodynamique, la proportion de chacune des particules est dictée, grosso modo, par leur masse. Elles se mettent à l'équilibre et plus les particules, à une température donnée, plus les particules sont lourdes, moins il y en a. Et parce que vous avez des tas de réactions qui fabriquent ces particules, qui les détruisent. Et donc, vous êtes à l'équilibre. Et donc, une particule et une antiparticule, dans la mesure où elles ont la même masse, vont se trouver avec la même abondance. Et donc, il suffit pas d'avoir des processus qui favorisent la matière sur l'antimatière, parce que à l'équilibre, vous auriez à chaque fois que un processus crée un peu plus de matière que d'antimatière, vous auriez aussi le processus inverse qui, à partir d'un peu plus de matière que d'antimatière, recrée la chose qu'il avait créée au départ. Et donc, à l'équilibre, en fait, vous auriez néanmoins à l'équilibre thermodynamique. Voilà, à l'équilibre thermodynamique. Vous auriez un équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au moment des premiers instants de l'univers, nous savons que l'équilibre thermodynamique est rompu par l'expansion même de l'univers. L'équilibre est maintenu dans l'univers primordial, simplement parce que c'est très dense, c'est très chaud, il y a énormément de réactions en permanence, donc en moyenne, l'équilibre est obtenu. Mais à partir du moment où l'univers est en expansion, il devient plus froid, certaines réactions donc se produisent moins, puisqu'il y a moins d'énergie dans les particules, et puis il devient moins dense, et donc il y a moins souvent des interactions, et donc cette expansion fait qu'on peut sortir de l'équilibre thermodynamique. Donc c'est une condition capitale pour créer l'antimatière, c'est la possibilité de sortir de l'équilibre thermodynamique, c'est intéressant de voir que l'expansion permet ça. Ensuite, donc, on a ce deuxième ingrédient qui est la violation de cette symétrie CP, dont on sait maintenant qu'elle est possible, mais pas assez, mais néanmoins mais elle est nécessaire. Possible. Voilà. Oui. Et enfin, la possibilité de violer la possibilité de violer la conservation du nombre baryonique est ouverte également par ce qu'on appelle des anomalies quantiques, alors qui sont des anomalies en un sens technique précis, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a effectivement des processus qui permettent de violer la conservation du nombre baryonique, mais d'autant plus facilement, on n'en a jamais vu aujourd'hui et on sait pourquoi, parce que justement aujourd'hui on est dans une situation où la symétrie électrofaible est violée. On est sorti de cette symétrie électrofaible, mais au moment où on était encore dans une phase de l'univers, donc vraiment un univers très primordial où cette symétrie était vérifiée, alors les processus violant la parité, la conservation du nombre baryonique, étaient plus courants et même tout à fait familiers en principe. Raphaël Grenier-Grassagnac. Oui, donc on est dans une situation où on cherche un peu désespérément une nouvelle forme de violation de CP, et il y a de l'espoir là-dedans, parce que alors pour rendre à César ce qui appartient à César, le prix Nobel de Kobayashi et Maskawa, c'était en 2008. Mais il y en a un autre en 2015 qui a été donné à deux physiciens, dont un japonais qui s'appelle Kajati, pour les oscillations de neutrinos, qui ouvrent la porte à l'existence d'une autre violation de CP, donc cette fois-ci dans le secteur dit des leptons, où il y a les électrons, les neutrinos, les muons et les taux, qui n'a pas encore été mesuré, qui y a plein de provocations de programmes expérimentaux qui s'attellent à ça dans les années à venir. Alors, il semble qu'elle soit aussi trop petite, mais il faut d'abord mesurer puis réfléchir à et tout ça. Et pour confirmer autre chose, on a bien effectivement créé de l'anti-hélium 4 au collisionneur Dion, lourd relativiste de Long Island aux États-Unis. Donc, c'est bien dans un accélérateur de particules qu'on a réussi à créer un anti-atome d'hélium. Celui sur lequel j'ai travaillé, honte sur moi. Et un dernier mot, peut-être très rapidement, Raphaël Granier de Cassagnac, puisque c'est quelque chose qui a été publié au CERN il y a très peu de temps, fin mars. C'est quelque chose qui était attendu, mais une autre violation qui est celle du Maison D0 composé d'un quark up et d'un anti-charme qui, là aussi, vient confirmer, on s'y attendait, c'était prévu par les travaux de Kobayashi Masakawa, mais néanmoins, ça ajoute quand même une pierre à cet édifice de la dissymétrie. Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où on a découvert la violation de CP dans le système avec les quarks S, les quarks strange, les K-on, il était évident que ça allait se passer dans le système, dans les quarks, avec les quarks B. Et ça, c'était assez facile à faire. Il y a eu plein de programmes expérimentaux aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, expérience Babar. En Europe, il y a l'expérience LHCb au CERN qui tourne en ce moment. Et il y a Bell au Japon. Donc, qui a utilisé le quark B. On parle de B Factory de façon extensive. Et il reste avoir cette asymétrie de CP dans les désintégrations de maisons fabriquées à partir de quark C, charme. Et donc effectivement, cette asymétrie, elle a été vue il y a deux semaines, elle a été annoncée il y a deux semaines en conférence. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'antimatière, vous avez toute la nuit pour ça, puisque c'est la nuit de l'antimatière ce soir. On vous a mis les liens et le programme sur le fil Twitter de la méthode scientifique @la méthode FC. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Étienne Parizeau. Merci Raphaël Granier de Cassagnac. On vous retrouvera tous les deux pour cette nuit de l'antimatière. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Dominique Guet de Saint-Vulfran, Céline Lozette, et Léonore Pérez. Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous parlerons du chromosome X et des recherches autour de son inactivation, pourquoi et comment chez les mammifères femelles. L'un des deux chromosomes est-il inactivé pour éviter la surexpression inexistante chez les mâles, qui n'en possède de facto qu'un seul. Décidément, c'est difficile cette fin. C'est une grande énigme, en tout cas, de la génétique et de l'épigénétique moderne, dont on parlera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.